Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, l'anarchie, c'est un contrôleur de Nexo. R.I.G. 90.7. Comme le disait si gentiment Marc, oui, je suis fébrile parce que le 31 mai 2020, c'est dans 10 jours, à peine. Non, c'est pas une émission enregistrée, vous n'êtes pas dans le futur, mais j'ai envie que Paul McCartney soit à Bordeaux, j'ai envie d'aller le voir. J'y serai avec ma fille, j'y serai avec plein de copains et de copines, même des gens que je ne connais pas, figurez-vous. Mais il y aura Paul McCartney sur scène à Bordeaux et ça, c'est quelque chose que j'attends de manière, mais dingue. Il ne parle que de ça. Je ne parle que de ça, comme dit Marc. Bref, nous allons faire une émission spéciale McCartney aussi. Enfin, plutôt, l'album de la semaine, c'est McCartney. C'est encore une fois Egypt Station parce que j'aimerais beaucoup qu'il reprenne plusieurs chansons sur son show actuel. Et avec un copain de boulot, on avait pensé à un truc absolument génial. Le dernier album s'appelle Egypt Station. Et s'il faisait Lille Station, Paris Station, Bordeaux Station, par exemple. Ce serait quand même sympa. Ça aurait été bien de faire une tournée qui s'appellerait Le nom de la ville avec station dessus. Voilà. Bon, c'est une idée comme ça que j'envoie à Paul McCartney. S'il entend ce dont je ne doute pas un seul instant, qu'on va lui reporter, on va lui dire, il y a Thierry Gallet sur RIG 90.7 qui a dit ça, et c'est peut-être une bonne idée. Et d'ailleurs, tu devrais t'arrêter à l'aéroport, demander à parler à Thierry Gallet et même venir en studio à Blanquefort, ce serait bien. Voilà, traduisez ça à Paul McCartney, dites-lui de venir et moi je meurs. Allez, soyons un peu sérieux. L'album de la semaine, donc Egypt Station, on écoutera I Don't Know, on écoutera Come On To Me, Happy With You, Confident, Hand In Hand, et à la fin ce sera Despite Repeated Warnings. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Ringo Starr et les Beatles. Pour Lennon par exemple, ce sera Mother sur Plastic Ono Band en 70. Harrison nous chantera My Sweet Lord parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne passe pas les tubes de nos chanteurs préférés, comme celle-ci par exemple en 1970 sur All Things Must Pass. Et Ringo Starr se mettra au tube des années 30-40 avec Love is a many splendid thing, da, da, da, etc. Pour les Beatles, ce sera Please Please Me. Et pour le reste, vous verrez. Je vous donne rendez-vous sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, pour pouvoir commenter. Et nous avons un invité spécial. Pendant toutes les chansons de Paul McCartney, ça va être Paul McCartney lui-même qui va parler de sa chanson. Écoutez. I don't know. I wrote this after going through a difficult period, like people have, nothing sort of madly serious or anything, but just one of those days when it's like, oh my God, what am I doing wrong here, you know? And sometimes that's a good way to write a song, because you're coming from your soul. And we often used to say that writing a song was like talking to a psychiatrist, a therapist or something, because you're saying it, but you're saying it in a song and rather in a room to a specialist. Yeah, so it was me just thinking this problem out and putting it into a song. I D'accord que s'il le voulait, il pourrait reprendre cette chanson sur scène. Ce serait un très très grand moment. just gotta tell you, thank you. en fait, pour le public, la grosse surprise de 1970 a été 1969 Abbey Road, un album extrêmement complexe avec une face B extraordinaire. Et puis arrive 1970, Paul McCartney sur un album qui est le contraire d'Abbey Road. Il est fait chez lui avec du matériel le plus minimaliste possible. Et ça, c'est surprenant. Mais c'est du McCartney. John Lennon sort un album qui est très introspectif. Il parle de lui. Bon, là, il l'a déjà fait. Mais c'est à l'opposé également d'Abbey Road. Et puis, la grosse surprise, c'est que celui qu'on n'attendait pas, George Harrison, nous sort un triple album avec ce succès immédiat, My Sweet Lord, un album fantastique qu'il faut absolument avoir dans sa CD Tech. Et même Ringo Starr sort deux albums en 1970, un album de musique des années 30-40, dont on va entendre un extrait, et un album de musique country, et les deux lui vont très très bien, les deux ont bien vieilli. Voici un extrait du premier album, l'album de Ringo Starr, donc Sentimental Journey, qui a été, au dire de Ringo Starr, créé pour faire plaisir à sa mère. Et pourquoi pas, voici Love is a Many Splendid Thing. Écoutez, la voix colle très bien au style. C'est du bon Ringo Starr. Depuis 23 minutes, vous écoutez la saga des Fab Four numéro 431 sur RIG 90.7, également sur www.rigfm.fr si vous nous écoutez sur Internet, ce qui vous permettra de nous écouter plus loin que Bordeaux. Vous pouvez nous écouter n'importe où en France, n'importe où en Europe, d'ailleurs même n'importe où dans le monde. Pour l'espace, on ne sait pas encore, on verra. Vous êtes donc à l'écoute de la saga des Fab Four, et nous avons entendu du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr, et lorsqu'on combine les quatre, c'est la magie des Beatles. Et pour parler des Beatles, il faut parler du meilleur site pour tout savoir sur les Beatles, les tournées de McCartney, justement celle qui va l'amener à Bordeaux en 2020, le 31 mai 2020. Eh bien, il faut parler de Lovely Rita.

say you will when you won't. Honey, don't. I'll rock on George Baringo one time. Honey Don't, chanté par les Beatles sur l'album For Sale, mais une chanson écrite et interprétée par Carl Perkins, parue le 1er janvier 1956 en face B du 45 tours Blue Sweet Shoes. La version des Beatles donc date de décembre 1964. Elle a été aussi reprise par Johnny Hallyday en 1984 sur l'album spécial Enfant du Rock. Tu confirmes, Rook, j'espère? Il enregistre Honey Don't en duo avec Carl Perkins. Et l'album comprend également, évidemment, toujours en duo, Blue Sweet Shoes. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette belle chanson. Et je vous propose de retrouver Harrison dans ses moments mystiques, indiens, on va dire, mais sympas. Voici Dehradun, la version complète sur RG. J'aime bien, sympa. C'est rafraîchissant. Vous écoutez RG, c'est la radio des Beatles. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Many roads can take you there, many different ways. One direction takes you years, another takes you days. Da da da do da da do do da da da do da da do do da da da do da da do da da da do. On the road, looking at the sights. Many others with their troubles, looking for the rights. Da da da da do da da do do da da da da do da da do do da da da da do da da do do da da da da do. Da da da da do da da do do. Da da da da do. Them move along the road in search of life divine. Beggars in a gold mine. Da da da da do da da do do. Da da da da do da da do do. Da da da da do. Da da da da do da da do. Many roads will take you there, many different ways. One direction takes you years, another takes you days. Da da da do da da do do da da da do da da do do da da da do da da do do da da da do. Da da da do da da do.

sommes en 1976 sur l'album 33 and One Third. Voici George Harrison et Crackerbox Palace. Expecting you, you bring such joy in Crackerbox Palace. Expecting you. Let's go. Back. Vous savez que j'avais écouté cette chanson Help qui date de 1965 et l'album donc Help aussi. J'avais écouté quelques 470 627 fois lorsque un ancien, plus ancien que moi en tout cas, m'a dit « Est-ce que tu sais que c'est la première chanson dans laquelle les chœurs précèdent le chanteur ?» Et oui, « Now and now my life has changed in so many ways, etc. My independence. » Ils le disent avant. Eh bien, j'avais pas fait attention. Je chantais évidemment avec les Beatles, mais, eh bien voilà, c'était la première fois. C'était une innovation dans les années 60. Personne n'avait fait avant. Les Beatles, si. Ils ont tout fait. Ils ont tout créé. Et s'ils n'ont pas tout créé, ils auraient pu le faire. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de ces artistes extraordinaires que sont les Beatles. Voici John Lennon en 1973 et cette belle chanson, Intuition. Une chanson douce, comme l'aime Pascal Dupont, par exemple. Hey, hey, hey. Intentions are good. I use my intuition. It takes me for a ride. But I never understood other people's superstitions. It seemed like suicide. And as I play the game of life, I try to make it better each and every day. And when I struggle in the night, the magic of the music seems to light the way. Intuition takes me there. Intuition takes me everywhere. Well, my instincts are fine. I have to learn to use them in order to survive. Time after time, confirmed an old suspicion, it's good to be alive. And when I'm deep down and out, and lose communication with nothing left to say, it's then I realize it's only a condition of seeing things that way. Intuition takes me there. Retrouvons sur RIG 90.7 l'album de la semaine de la saga des Fab Four. Cet album, c'est Egypt Station, sorti en 2018 par Paul McCartney. Et laissons Paul McCartney expliquer la nouvelle chanson. Cette chanson, c'est Confidant sur RIG. With the song Confidant, I happened to be at home and I was looking in the corner where propped up was my old Martin guitar. That I normally just have there, so if I feel like playing the guitar, I'll take it down and play it or try and write a song or whatever you do. And I thought to myself, I haven't had time lately to play guitar. And it reminded me that when we first got guitars years and years ago, they would be like a friend. It would be like a confidant. You'd go off into a corner and you'd write a little song and you'd sort of almost tell your troubles to your guitar. It's a love song to the guitar, how the guitar was my confidant, and I told you every little secret thing. And in fact, unlike my other so-called friends, you stood beside me while I fought. So it became a symbol of the guitar as a mate, as a friend, as a confidant. You used to be my confidant. Et si nous parlions de la comment on appelle ça, la cover, voilà, je suis pas concentré. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou en solo, et c'est une chanson reprise par quelqu'un, un artiste connu ou pas d'ailleurs, ça peut très bien être vous, et cette chanson-là, donc c'est la cover. Et pour une fois, c'est une chanson française par quelqu'un que vous connaissez, il s'appelle Eddie Mitchell, et vous allez reconnaître tout de suite, je pense, de quoi il s'agit. La chanson date de 1968, l'album s'appelle Seth Colt pour Schmoll. Schmoll, c'est le vrai nom de Eddie Mitchell. Et voici Le Fou sur la colline, vous avez déjà tout compris. Jour après jour, seul sur la colline, un homme vit retiré du monde comme s'il s'agissait d'une île. Personne ne veut s'approcher de ce fou sur la colline qui regarde les nuages caresser ses cheveux, le rizot dans les yeux. Jour après jour, seul sur la colline, s'agissait d'une île. Et personne ne vient lui parler. On le surnomme le fou. Non, personne ne veut s'approcher de ce fou sur la colline qui regarde les nuages caresser ses cheveux, le rizot. Attiré par celui que l'on nomme fou, je suis toujours intimidé par ce fou sur la colline qui contemple les nuages, caresser ses cheveux, le rizot. Regarde les nuages caresser ses cheveux, l'horizon dans les yeux. Alors Eric Gallo, qui écoute la saga des Fab Four, me dit gentiment « Claude Moine est le vrai nom de Eddie Mitchell ». Oui, oui, je suis d'accord. Mais Schmoll, c'est le surnom d'Eddie Mitchell. Donc, quelque part, j'ai pas complètement tort. Forcément, on écoute l'original, The Fool on the Hill, par Paul McCartney. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but no one

Et pour terminer en beauté cette saga des Fab Four, voici What's My Name, Ringo Starr sur RG, extrait de son tout dernier album. C'est déjà terminé. Et oh, il y a Eric. Il y a Eric qui attend. Donc, dans quelques instants, Eric et son incroyable émission Johnny. Johnny de A à Z. Merci d'avoir écouté cette émission. J'espère que vous avez lu les sous-titres pour pouvoir comprendre ce que Paul McCartney disait. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, ciao.